Ce n'est qu'un point de poésie dans le ciel des matins de pluie. Le satin rose de ta peau que je caresse avec des mots. C'est un baiser un peu futile dans un tendre matin d'avril. C'est une bouteille à la mer, une oasis dans le désert. Fans de chansons françaises de tous les temps et tous les autres, bonjour. Vous êtes bien sur Radio Fagette Nancy 94.2. Alors, à la technique, nous avons du monde aujourd'hui, puisque nous avons Antoine, Guillaume et Yves. Avec ça, ils vont nous faire une super émission. Daniel, en votre compagnie, pour vous présenter cette 23e émission de La Cerise sur le Canto. Donc vous connaissez le principe, chanson d'hier, chanson d'avant-hier ou tube de demain, c'est un véritable panorama dédié à la chanson française de tous les temps. On s'en fiche de savoir si une chanson est ancienne ou si elle est vraiment toute nouvelle, le principal c'est qu'elle puisse avoir un intérêt. Alors La Cerise sur le Canto, ça s'adresse aux auditeurs friands de découvertes de tous les âges. Et puis un jury neutre qui classe les chansons programmées et qui élit les trois gagnantes de chaque émission. Sans plus tarder, résultat de La Cerise sur le Canto numéro 22. C'était il y a 15 jours, médaille de bronze, la boîte de jazz, Michel Jonas. Prêt pour le box. Hey Bebop.

des nuits d'amour à plus finir, un grand bonheur qui prend sa place, des ennuis, des chagrins s'effacent, heureux, heureux, en mourir. Quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, ça me fait quelque chose. Il est entré dans mon cœur une part de bonheur dont je connais la cause. C'est toi pour moi, moi pour toi dans la vie. Il me l'a dit, a juré pour la vie. Je t'aperçois, alors je sens dans moi mon cœur qui bat. Si vous avez manqué notre diffusion, ben, pour retrouver le podcast, rendez-vous sur le site de Radio Fagette, recherchez votre émission, vous voyez le titre, vous cliquez dessus et vous accédez au podcast de cette dernière émission. Attention, le podcast n'est valable qu'une semaine. Et puis n'oubliez pas de vous rendre sur la page Facebook de La Cerise sur le Canto pour y jouer au tiercé des chansons. Allez, place à la sélection du jour. Ah, je vais vous parler d'Émilie Bonnet. Émilie Bonnet, auteure, compositrice, interprète, nous a confié dans un de ses ouvrages, c'est elle qui parle, hein, « Abandonnée à la naissance et déjà condamnée par les hommes, je dois la vie à un miracle. J'ai connu l'enfermement dans une cave, puis dans un hôpital psychiatrique, un abus sexuel qui m'a hanté jusqu'à ce jour. J'ai connu la mort par arrêt cardiaque et le départ vers un long couloir éclairé de bleu où m'attendaient au bout des personnes pour me conduire vers l'au-delà. Bon, c'est pas gai tout ça. Hein. Chance ou malchance, on ne sait pas. Émilie Bonnet aurait dû connaître, avec J'essaierai d'oublier, un immense succès avant que cette chanson ne soit brusquement déprogrammée de l'antenne suite à de nombreux différends avec son entourage professionnel. À sa manageuse, c'était pas facile. Émilie Bonnet aurait dû connaître un immense succès avec Mademoiselle chante le blues, chanson écrite pour elle par Didier Barlevillien, avant de tomber dans les mains de Patricia Cass suite à une embrouille avec Nicoletta, et ça continue. Émilie Bonnet, une voix à chanter le blues, on comprend la chanson. J'essaierai d'oublier Émilie Bonnet. J'essaierai d'oublier les mois, les semaines. J'essaierai d'oublier du fond de mes veines. Même s'il faut mentir, j'essaierai d'oublier extrait de son album intitulé Obispo, sorti en 2018. Le titre « Rien ne dure » est la chanson sur laquelle Pascal Obispo mise pour le succès de ce dernier album. « Rien ne dure », Pascal Obispo. Wow, wow. Rien ne dure, 9 mois puis rien n'est sûr. Acné, premier baiser, combien de temps d'amour à partager. Rien ne dure, des passions, des secrets, ne reste que des regrets. C'est comme ça, on s'y fait. On n'a pas le temps de freiner, que la Porsche de James Dean s'envole en fumée. À toute allure, beauté, gloire, apogée, dans cette course effrénée, et ce peu qu'il reste à partager. Avant la vie d'après, pour nous simples mortels, tout change sous le ciel. Ou alors il faudrait pouvoir se réincarner quand la Porsche de James Dean s'en va en fumée. Son armure, serment, fidélité, douceur, finissent par une lame dans le cœur. Liberté, censure, dictature opprimée, aucune guerre mondiale, ni protocole de paix. Ensemble, retomber. La Porsche de James Dean s'envole en fumée. Oh. D'ici jusqu'à l'est de l'Éden, l'enfance qu'on se traîne. Freddy, Johnny, Cobain. Même si ça te fait de la peine, en attendant que la lumière s'éteigne, idole, musée, musée, les bolides en acier, c'est juste pour patienter et pour faire des clichés quand la Porsche de James Dean s'en va. René Lebas, René Ehe, est né Ehe en 1917 dans une famille de juifs roumains immigrés. Dactylo, danseuse et journaliste, elle remportait en 1937 un radio-crochet. En 1942, bon ben c'est la guerre, hein, sa sœur cadette et son père sont emportés dans la rafle du Veldiv, on imagine leur destin. Et Renée Lebas, elle se réfugie en Suisse, à Genève, et c'est en pensant à la situation en France qu'elle enregistre de l'autre côté de la rue Renée Lebas. « qui se lézarde, un escalier étroit, une pauvre mansarde, et me voilà chez moi. Un lit qui se gondole, une table de guingois, une lampe à pétrole, et me voilà chez moi. Mais le soir quand le cafard me pénètre et que mon cœur est par trop malheureux, j'écarte les rideaux de ma fenêtre et j'écarquille les yeux. De l'autre côté de la rue, y a une fille, une belle fille, qui a tout ce qu'il lui faut et même le superflu. De l'autre côté de la rue, elle a de l'argent, une maison, des voitures, des draps en soie, des bijoux, des fourrures. De l'autre côté de la rue, y a une fille, une belle fille. Si j'en avais le quart, je n'en demanderais pas plus. De l'autre côté de la rue. Quand je sors de l'usine, il pleut ou il fait froid, mais je courbe l'échine et je rentre chez moi. Faut grimper cet étage, suivre un long corridor. Je n'ai plus de courage, je me couche et je dors. Mais le matin, faut que tout recommence. Je pars au travail dans le matin glacé. Alors je me dis qu'il y en a qui ont trop de chance et les autres pas assez. De l'autre côté de la rue, y a une fille, une belle fille, pour qui toutes les misères sont toujours inconnues. De l'autre côté de la rue, quand elle a froid, elle danse des nuits entières. Quand elle a chaud, elle s'en va en croisière. De l'autre côté de la rue, y a une fille, une belle fille, vivre un seul jour sa vie, je n'en demanderai pas plus. De l'autre côté de la rue, je le connaissais à peine, on s'était vu trois fois, mais à la fin de la semaine, il est venu chez moi. Dans ma chambre au septième, au bout du corridor, il murmura, je t'aime. Moi j'ai dit, je t'adore. Il m'a comblé de baisers, de caresses. Je ne désire plus rien dans ses bras. Je vois ses yeux tout remplis de tendresse. Alors je me dis tout bas. De l'autre côté de la rue, il y a une fille, une pauvre fille, qui ne connaît rien de l'amour ni de ses choix éperdus. De l'autre côté de la rue, elle peut garder son monsieur qu'elle déteste, ses beaux bijoux, tout son luxe, et le reste. De l'autre côté de la rue, il y a une fille, une pauvre fille, qui regarde souvent d'un air triste et perdu. Durand de la Villegue du Fresnay. Bon, c'est un aristo, ça. Hein, Antoine, qu'est-ce que t'en penses? Enfin, tout, il a le droit, hein. Donc, Philippe Durand de la Villegue du Fresnay est né en 1947 à Fort-de-France, en Martinique. Il descend d'une famille de colons français des Antilles qui exploitait une bananeraie dans la commune de Français. En 1960, il était envoyé en pension dans la Drôme, à Nieulfy, où il fit initier à la chanson par son prof d'anglais, qui n'était autre que Graham Albright. Vous l'avez reconnu ? Philippe Laville, il tape sur des bambous. Il vit sa vie au bord de l'eau, coco et coquillage. $1 pour prendre en photo son plus beau tatouage. Il vit sa vie comme un vendredi. Robinson est parti. Tu le verras toujours bien dans sa peau quand il prend ce tempo. Il tape sur des bambous et ses numéros. Dans son île, on est fou comme on est musicien. Sur Radio Jamaïque, il a du copain. Il fabrique

ton quoi, un jour peut-être ça changera. Balance ton quoi. Né en 1947 à Drancy, oh, Drancy c'est la banlieue parisienne, la banlieue est, nord-est. Michel Jonas est issu d'une famille d'origine juive hongroise. À 15 ans, il quitte l'école, il en avait marre, il se met au piano et il écoute alors beaucoup de chansons françaises, Brel, Brassens, Les Chats Sauvages avec Dick Rivers qui nous a quittés il n'y a pas si longtemps, mais il a une attirance particulière pour le rhythm and blues de Ray Charles. Sa carrière solo démarre lentement au début des années 70 et il doit attendre 1974 pour trouver un large public avec deux tubes qui sortent simultanément, Dites-moi et Super Nana. Alors comme on ne peut pas vous faire jouer en même temps les deux titres, vous comprenez, Super Nana, Michel Jonas. Huit grèves de poubelle que je traîne dans le quartier. Jamais vu plus belle qu'elle dans la cité. Les serveuses du milk bar ou du banana qu'on dépiote dans le noir au cinéma. C'est des trucs pour la toux, des pastilles, des cachous, bonbons de machine à sous, mais elle pas du tout une super nana, une super nana, une super nana, une super nana. Je football, des boîtes de ronron, et comme ces boîtes de tôle, je tourne en rond. Quand je la pêche à la ligne, du haut de mon balcon, elle m'emmène dans le parking et sur le béton. C'est le Brésil pour 1000 balles. Et je croule dans le pan total. Je touche le fond de mes pales. La neige du napalm. Une super nana. Une super nana. Une super nana. Une super nana. J'habite en haut de cette tour, la dernière du bloc. Ma fenêtre est bien haute pour le bacille de coq. Par-delà les antennes, au-dessus du cynodrome, des traînées de kérosène, il y a sept mots. Elle marche parmi les détritus, on dirait comme sur les prospectus, ces filles allongées à l'ombre des cactus. Tu vois ce que je veux dire, et pourtant c'est juste une super nana. Une super nana. Une super nana. Une super nana. Une super nana. Aliel fut un candidat de 2018 à The Voice. Vous vous souvenez, Aliel. Il était dans l'équipe coachée par Zazie. Et Zazie adorait la joie communicative d'Aliel. Alors celui-ci n'échoua qu'en finale. Et il revient sur les ondes afin de prouver quand même qu'il est fait pour ce métier. Aliel avec sa chanson « Encore ». Il y

c'était la belle fleur de pivoine. Son époux me dit furiba, tu vas mourir ou l'épouser dardard. Sans retard j'ai pris l'autocar, car j'ai un beau chapeau, j'ai un grand lasso, j'ai un petit couteau et l'air idiot. Oh oh, j'ai un foulard vert, j'ai deux revolvers, pour me faire peur je tire en l'air. Ah, ça gratte un peu, hein. Ben oui, ce sont des 78 tours, les années 30 et 40, ben oui, on est dans... ça gratte un peu, mais enfin, c'est là. Et si la plus belle chanson d'amour, c'était L'amitié, de François Hardy, une déclaration d'amour aux amis. Cette chanson est tellement évidente, tellement puissante sur ce qu'elle dit de l'éternité, de l'amour débarrassé de la jalousie, de l'exclusivité et de tout ce qui l'empoisonne. Avec ce point de vue-là, celui de la fin de vie, c'est là, à la fin seulement, qu'on sait si on a été amoureux, heureux. L'amitié, François Hardy. Alors, éléphant avec un Z au bout. C'est un groupe français de pop, rock, électro, formé en 2008 par les frères Jonathan et Maxime Verleysen. Ils sont originaires de Nantes. Ils sont des auteurs, compositeurs, interprètes, et ils ont été nommés aux Victoires de la Musique en 2014 dans la catégorie « Meilleur album électro de l'année ». Leur titre, c'est « Imperfection ». Elephants. Je sais que la détresse des amants désœuvrés t'ennuie et souvent tu fuis. Tenant le spleen en laisse, tu déjoues la mélancolie et ça donne envie. Je fais brille. Noircis des pages en âge de ton portrait. Entre mille, retrouverai ton visage, les yeux fermés. I don't want to lose it, but I can explain the magic. Girl, I fell in love with your imperfection. I don't want to lose it, but I can explain the magic. All that silly world needs more. asséché. C'est ainsi que personne n'aurait pu te voir arriver, les cheveux salés. Explain the magic, girl. I fell in love with your imperfection. I don't want to lose it, but I can explain the magic. All that silly world needs more imperfection. I don't want to lose it, but I can explain the magic, girl. I fell in love with your imperfection. I can stop the music. Je vais vous faire une confidence. Ça n'engage que moi, bien entendu. Je trouve un peu dommage dans les chansons, dans certaines chansons actuelles, d'inclure nécessairement des couplets en anglais. Un petit peu comme si on s'excusait de chanter en français. Alors on met un peu d'anglais quand même dans le truc, hein, pour faire passer la pilule. Eh, flûte, chanson française quand même. Bon, allez, c'est bon, je me calme. Ah, que pour toi, ça doit être éprouvant d'être amoureux d'une fille de paille, la fille de paille, Brigitte Bardot. Ah, que pour toi, ce doit être éprouvant d'être amoureux d'une fille de paille, car je m'envole au premier coup de vent.

fleurs et des dentelles pour que tes nuits soient douces. Et c'est ainsi que s'achève la série sur le canto numéro 23 consacrée à la chanson française. Merci à Antoine. Eh ben oui, c'est un stagiaire qui est chez Fajette, bien sûr. Et il a tenu la technique tout seul, toute l'émission. Bravo, gars, t'as fait du bon boulot. Alors, merci encore, Antoine, pour la réalisation technique. Et merci à vous de nous avoir écoutés. Rendez-vous sur la page Facebook La Cerise sur le Canto pour y jouer au tiercé des chansons. Et puis la prochaine Cerise sur le Canto, ben c'est dans 15 jours. Mais nous serons quand même avec vous dimanche prochain pour vous présenter Patchwork à l'écoute des musiques du monde. En attendant, soyez heureux et branchés sur Radio Fajette Nancy 94.2 ou sur le net fajette.net en ligne. Allez, au revoir.